les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1985, Fassbinder était mort depuis 3 ans et Wim Wenders, portant à peu près seul sur ses épaules ce qui restait du cinéma allemand, était un cinéaste internationalement reconnu et récompensé dans tous les grands festivals. En 1985, après Paris, Texas et avant Les Ailes du Désir, les Mardis du cinéma consacraient un de leurs numéros à Wim Wenders. Une émission où l'on entendait Wenders parler de l'ami américain, de Nick's Movie et de l'état des choses, et dans laquelle la réalisatrice Claire Denis, qui avait été son assistante sur Paris, Texas, et Jean-Paul Mugel, qui en avait été l'ingénieur du son, témoignaient de ce qu'était la vie d'un tournage avec Wim Wenders. On y entendait aussi Jean-Michel Follon, dialoguant avec Wenders et Lisa Kreuzer, actrice dans 4 longs métrages du réalisateur, à propos de l'ami américain. De Summer in the City, son premier film, à Paris, Texas, en passant par Alice dans les villes et Au fil du temps, au micro de Dominique Rousset, Jean-Pierre de Villers, auteur sur Wim Wenders de Berlin et les Berlins, les critiques Youssef Ishakpour, Bernard Eisenschitz et Joël Mani y proposaient leur vision de la filmographie d'un cinéaste qui, au milieu des années 80, était à 40 ans l'un des plus célébrés du cinéma mondial. Wim Wenders ou Le cinéma dans tous ses états, un mardi du cinéma de Dominique Rousset, diffusé la première fois le 21 mai 1985 sur France Culture. Réalisation Mireille Kraus. Je crois quand même que j'ai toujours trouvé un certain bonheur dans l'errance. C'est étrange. Le mot errance en français a un peu une connotation négative. En allemand, le mot est Erfahrt. C'est bien car cela veut dire qu'on ne sait pas trop où aller, mais on avance. Ce n'est pas si négatif que ça pour moi, l'errance. Il y a une liberté que le mot français ne me semble pas porter. Premier long métrage Summer in the City, puis L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, La lettre écarlate, Alice dans les villes, Faux mouvement, Au fil du temps, L'ami américain, Nick's Movie, Hammett, L'état des choses, Paris, Texas et Tokyo Ga. Oui, je vous répète, je vous demande de gagner vite vos places parce que nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous n'avons qu'une demi-heure devant nous. Il y a une autre conférence de presse qui doit suivre. We only have until 6:30 for this film because there's another press conference then. So could you please, everybody, sit down so we can start as soon as possible. Bon, je fais quand même brièvement les présentations. Monsieur Wim Wenders. Nous avons ensuite Lisa Kreuzer. J'ai à peine à lire. Ensuite Hans Zisler et Rüdiger Vogler. Bon, je vous présente brièvement Monsieur Wender. 1976, Wim Wenders vient pour la première fois au Festival de Cannes. On connaît mal encore son nom et celui de ses acteurs. Il présente Au fil du temps, dernier volet d'une trilogie dans laquelle Rüdiger Vogler, acteur autobiographique, fait voyager le cinéma dans un camion entre les deux Allemagnes. Il est projectionniste. Wenders, né en 1945 à Düsseldorf, est passé par la peinture, la gravure, la critique de films, avant de découvrir la mise en scène. Avec en toile de fond dans cet apprentissage omniprésent, le jazz et le rock. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find to change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Le mythe de James Dean puis l'arrivée du rock'n'roll ont ressemblé pour moi à une tentative de libération collective et de recherche individuelle de l'identité perdue, loin dans l'enfance. Il n'y avait à ce moment-là aucune autre alternative artistique ou culturelle, rien d'autre que le rock. Si la musique de rock n'avait pas existé, je serais peut-être aujourd'hui avocat. En 1977, Wim Wenders revient à Cannes avec L'ami américain et un bon accueil de la critique. J'aimerais que Wim Wenders définisse un peu son attitude envers l'Amérique, les États-Unis, puisque tous ses films sont fascinés et hantés par l'Amérique, celui-ci peut-être plus objectivement que les autres, mais les autres aussi. Est-ce qu'il pourrait définir pourquoi cette hantise de l'Amérique dans ses films ? C'est à cause du fait que je suis né en Allemagne en 1945 et vivant dans une colonie. C'est évident qu'il y a cet antagonisme d'amour et de haine. Peut-être il ne faut pas parler des États-Unis, mais il faut parler du cinéma américain qui m'a appris tout ce que je fais maintenant, c'est-à-dire qui m'a appris le langage du cinéma et qui m'a aussi appris à en avoir terriblement peur. C'est curieux que vous parliez du cinéma américain. Moi, je parlerai de Fritz Lang. It's strange you should talk about the American cinema, because what I see in your films much more clearly is the relationship with Fritz Lang. Could you tell us something about how... Malheureusement, vraiment malheureusement, je dois dire qu'il n'y a pas de descendance. Parce qu'il ne l'a pas connu. Parce qu'on n'a pas montré ses films en Allemagne. Je les ai vus à Paris. Alors c'est plutôt le père raté. L'histoire du cinéma est devenue concrète pour moi par la Cinémathèque. C'est là qu'habite le cinéma, et c'est comme être chez soi dans l'histoire du cinéma. Je dirais d'une façon un peu pathétique que la Cinémathèque est une des maisons de mon enfance. Je ne pourrais pas habiter dans l'histoire du cinéma sans le sentiment de sécurité que j'ai connu là. Ça ne coûtait qu'un franc la séance à l'époque dans les deux salles, Ulm et Chaillot. J'ai commencé à tout voir du début de l'après-midi jusqu'à minuit pendant presque un an. J'ai découvert tout le cinéma américain, le cinéma français, mais aussi le cinéma allemand dont je ne savais rien. Si Wenders ne reconnaît pas sa filiation à Fritz Lang, c'est que ce père mythique lui a été caché. L'Allemagne de l'après-guerre, en effet, a trouvé son cinéma traditionnel en ruine et les grands aînés qui avaient quitté le pays n'y étaient pas montrés. C'est bien à Paris, il l'a souvent dit, que Wenders a découvert le cinéma français, le cinéma américain et même le cinéma allemand. C'est le sens de son hommage à Henri Langlois, mort pendant le tournage de ce film qu'il présentait à Cannes, L'ami américain. Et si les premiers films de Wenders montrent d'étroits rapports avec la littérature, celle de Goethe par exemple, dont le Wilhelm Meister a inspiré Faux mouvement, ou celle de Peter Handke, l'ami d'adolescence, dans les films précédents, L'angoisse du gardien de but ou La lettre écarlate, c'est d'abord le thème de l'errance qui définit le travail du cinéaste à la recherche d'une identité et dès Alice dans les villes, effectivement, la fascination de l'Amérique. Youssef Ishakpour. On peut dire d'une certaine façon que ce n'est pas par hasard si déjà dans Alice dans les villes il y a l'Amérique, ou si il a fait l'ami américain, ou même si dans Au fil du temps, quand les personnages atteignent un peu la frontière, c'est une voix américaine qu'ils entendent au téléphone. Il faudrait parler longuement de l'importance de l'Amérique après la guerre en Allemagne. Et ça, on peut dire aussi que Wenders est le seul cinéaste allemand qui ait ce rapport avec l'Amérique et non pas un rapport d'enracinement par rapport à un passé allemand comme par exemple Zyberberg ou même Fassbinder ou Kluge. Et il y a quelqu'un qui a essayé de couper et tout son attachement par rapport à Handke. C'est aussi que Handke aussi a une espèce d'attitude de rejet et de refus par rapport à cette tradition culturelle qui s'est plus ou moins compromise avec l'histoire récente de l'Allemagne. Donc il y a cette volonté volonté de retrouver dans le cinéma américain et dans la littérature américaine une sorte d'immédiateté, de possibilité de rapport avec le monde qui joue pour Wenders l'élément de lointain qui est porteur de désir, mais en même temps là, il se produit l'étrangeté qui fait qu'on veut revenir chez soi. Donc il y a toujours dans ces films, c'est cela qui produit le nomadisme entre ce que les Allemands appellent « Sehnsucht der Heimweh », entre le désir et la nostalgie de la maison. Et ça, c'est en permanence dans ces films. Au fil du temps, pour moi, c'était un film à la recherche de l'Allemagne et ce n'était que ça. Le voyage à travers l'Allemagne pour savoir ce qu'était ce pays. L'Allemagne m'a tellement déçu tout le temps, je crois que j'ai été déçu d'être né là. Je n'étais pas conscient, quand on est gosse, on ne sait pas ça, mais j'ai toujours ressenti un vide. Un vide que je comprends maintenant. Joël Magny, rédacteur en chef à la revue Cinéma. Wenders a été longtemps considéré comme effectivement un cinéaste moderne. Et c'est tout à fait vrai si l'on voit en particulier les films que le public connaît peu, c'est-à-dire ses premiers courts-métrages, où on avait vraiment affaire à un cinéaste quasiment expérimental. Par exemple, l'un de, non pas son tout premier qui est perdu, mais son deuxième film qui s'appelle « Same Player Shoots Again », c'est-à-dire une phrase qu'on retrouve sur les flippers, et qui montrait 5 fois le même plan d'un personnage qui courait, les plans étant simplement teintés différemment. Et Wenders faisait d'ailleurs l'analogie avec la bille de flipper qui fait 5 fois son trajet dans l'appareil. Et on a même évoqué à cette époque-là la peinture de Monory, Monory lui-même ayant d'ailleurs toujours avoué son admiration pour les films de Wenders. Donc on voit déjà ce premier film, le film suivant, Silver City, était composé de plusieurs plans de rue dont les différences étaient simplement qu'ils étaient filmés à 2 différents moments de la journée et à différents étages, vus de différents étages du même immeuble. On voit donc là tout un ensemble de recherches comme on l'a pouvait retrouver, même bien avant Wenders, dans le cinéma underground américain et dans beaucoup de films expérimentaux de diverses origines. Donc c'est vrai que Wenders, au départ, se pose vraiment comme cinéaste moderne. Et ce n'est que petit à petit, déjà dans ses courts-métrages, que commence à s'introduire peu une fiction, et une fiction policière le plus souvent. Et à partir de son premier long-métrage, Summer in the City, on a véritablement ce mélange de modernité, mais qui commence à déboucher sur une fiction, avec la fiction d'un personnage éminemment wendersien qui sort de prison et qui erre dans une ville, dans des bars, dans les rues, etc. Envisage de partir en Amérique, mais n'y réussit pas. Et puis, en fait, la fiction s'arrête là, mais le film est déjà filmé de façon très wendersienne et très moderne, en longs plans relativement statiques qui suivent un personnage dont on ne sait pas très bien où il va et où il veut aller. Mais Joël Magny, si à cette époque l'on rangeait Wenders parmi les cinéastes qui faisaient des recherches plus formelles, la classe des Godard ou des Ackerman, je crois qu'il ne reniait pas cette appartenance. Oui, je crois qu'il ne régnait pas cette appartenance. Je ne me souviens pas si on a pu l'interroger précisément sur tel ou tel. Je pense certainement qu'il se sentirait beaucoup plus proche d'une Ackerman que d'un Godard. Dans la mesure où, au fond, le cinéma de Godard étant déjà un cinéma sur le cinéma, une sorte de cinéma donc moderne par passage à un deuxième degré où le cinéma n'existe plus dans sa prise directe sur la réalité, mais à travers un travail sur des images préexistantes, alors qu'Ackerman est certainement beaucoup plus proche dans une certaine façon de filmer, dans un filmage, là aussi, en plan long, statique. On pense beaucoup plus, d'ailleurs, à un film comme Jeanne Dielman, par exemple. Ou News from Home, où on se souvient qu'il s'agissait simplement de faire passer des rames de métro devant la caméra, métro américain, avec un texte off qui était des lettres de l'auteur, enfin, en tout cas, de la narratrice à sa mère. Absolument, et on retrouve d'ailleurs là aussi une des préoccupations souvent de Wenders, du texte off qui est lu sur des images, mais on voit effectivement avec cet exemple-là aussi les relations qu'il y a entre ces cinéastes dans une certaine modernité des années plus 70 d'ailleurs que 60, enfin fin 60 et courant 70. 1974, c'est Alice dans les villes, un film tourné en noir et blanc et en 16 mm. Entre les États-Unis et l'Allemagne, l'étrange vagabondage de l'homme au Polaroid, Philip Winter, et de la petite fille insolente qui s'attache à ses pas. Il y a toujours des enfants dans les films de Wenders. Pour la première fois, j'ai réalisé un film où j'osais vraiment faire ce que je voulais. Après une semaine de tournage, j'ai perdu mon scénario dans un motel quelque part aux États-Unis et j'ai écrit le film au jour le jour. J'ai découvert alors que c'était vraiment ce que je voulais faire, que c'était devenu vraiment ma profession. Je suis donc devenu metteur en scène un peu par hasard. Une visite à Wim Wenders par Peter Hanke. Je rendis visite à Wim vers la fin juillet, alors qu'il était en train de tourner Au fil du temps, près de Hofheim, en Basse-Franconie. Il habitait avec l'équipe dans une hôtellerie-château nommée Buttenburg. Wim rentra tard de son tournage. Je n'étais pas le seul à l'attendre. On voyait qu'il était soucieux. C'était les journées où la panique le prenait de ne plus savoir comment continuer son histoire. Mais il fut tout de suite là, pour moi comme pour tous les autres. J'eus le sentiment de ne lui être d'aucune utilité, car je n'avais rien à voir avec son film et l'histoire dans laquelle il était plongé. Il était devenu lui-même cette histoire, mais on avait l'impression que cette obligation qu'il se faisait d'être ouvert à tous, même aux étrangers à son film, donnait aussi un sens à son travail, comme si, seule, cette disponibilité à tout, qui devait plutôt faire obstacle à la concentration, donnait à ce travail sa justification et sa dignité. À New York, une rencontre inattendue, Jean-Michel Follon et Wim Wenders. Je ne connaissais pas Wim Wenders, on a failli se rencontrer plusieurs fois. En fait, il voulait que cette conversation ait lieu plutôt dans son studio, dans le bas de New York, du côté de Union Square, parce qu'il pensait qu'on entendrait moins les bruits de New York. Parce que c'est vrai que le son de New York, enfin, s'il y a une ville vraiment présente par le son de toutes les villes, c'est certainement New York. J'ai toujours des sons étranges de travaux, parce que cette ville n'arrête pas de changer, de se modifier. Et Wenders avait très peur de ce son en disant « on va jamais nous entendre, donc allons dans un endroit tranquille ». Et le jour de la conversation, le matin, je me suis dit, c'est tout de même dommage. Il vit à l'ouest de Central Park. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Je vais l'appeler en lui disant, est-ce que tu ne crois pas que ce serait mieux de quand même se balader au milieu du parc pour entendre les sons de cette ville? Et je lui ai dit ça, il m'a dit, c'est fantastique parce que j'allais te téléphoner pour te dire la même chose. Et ce qui fait qu'on s'est tutoyé sans se connaître, comme si on se connaissait depuis toujours. Et l'après-midi, j'ai été donc le retrouver, et il vit dans une, on pourrait dire une cellule, c'est une petite pièce. Il a pratiquement transformé en cabine de bateau. C'est tout en bois, il a dessiné tout lui-même. Il cuisait du maïs, il cherchait du sel partout. Il y avait un grand désordre de tout, photographie, de films en devenir, de... Mais en même temps, c'était... Bon, le lit était en désordre, il y avait un grand lit tout à fait chamboulé, et puis une très petite table, très propre, avec quelques gravures, étrangement, parce qu'il a fait de la gravure. Wim Wenders a appris la gravure à Paris, à l'atelier de Friedlander. Il m'a donné d'ailleurs une petite gravure que je viens de te montrer, noir et blanc, qu'il a faite il y a 15 ans. Eh bien, on s'est promené pendant une heure à New York, tous les deux. « Wim, il y a je sais pas combien de temps, il y a peut-être 10 ans, j'ai fait une lithographie, une gravure exactement, qui s'appelle Au fil du temps. J'ai fait ça à Milan, je suis rentré à Paris et je me suis promené dans Paris et j'ai vu au Saint-André-des-Arts qu'il y avait un film qui s'appelait Au fil du temps. Je savais pas qui avait fait ça, je savais rien du tout, je suis entré. C'était un après-midi. Et vraiment, je crois que ces choses-là sont très mystérieuses, mais quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que ce film durait 10 minutes ou qu'il durait un siècle, mais en tout cas que la perception du temps qui s'était écoulée pour moi dans ce film était quelque chose que j'ai perçu d'une façon tout d'un coup juste. Et je suis revenu le surlendemain, revoir le film. Il y avait, bon, le premier jour il devait y avoir 8 personnes, peut-être ce jour-là il y en avait 12. C'était peut-être les mêmes qui étaient revenus aussi d'ailleurs, pour qui la vie avait changé, je ne sais pas. Il y a un autre film que j'avais vu dans la même salle il y a 20 ans, cette fois-ci, c'était Vivre sa vie de Jean-Luc Godard. Et je me rappelle qu'Anna Karina disait une chose dans Vivre sa vie. Elle disait une phrase qui m'est restée gravée dans la tête. Elle disait « Tout est beau, il suffit de regarder les choses et les trouver belles. » Et ça m'a paru une chose très importante. Tout est beau, il suffit de regarder les choses et les trouver belles. Ce qui m'ennuie dans le cas de Godard, c'est qu'ensuite j'ai eu l'impression petit à petit que tous ces films voulaient dire que tout est laid, il suffit de regarder les choses et les trouver laides. Moi je suis très d'accord avec la phrase d'Anna Karina. Et moi, à mon avis, tout ce qu'on regarde, par le simple fait que ça existe, à mon avis, c'est beau. Et aussi dans le cinéma, et il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose là-dessus, Hopkins, qui a dit « La beauté, c'est toujours dans le regard. » C'est toujours ? Dans le regard. De celui qui regarde. Oui. Et je trouve aussi que dans le cinéma, il y a des attitudes qui permettent que dans un film, n'importe quel objet, ou quel personnage, ou une maison, ou un paysage peut être beau. Parce que le simple fait que ça existe dans le film et que l'attitude du regard de ce film permet une beauté à n'importe quel moment. Moi j'ai appris ça de tous les films de Ozu, où tout ce qu'il regarde, chaque seconde dans ces films, pour moi, c'est la beauté absolue. Parce que je ne sais même pas comment expliquer. C'est parce que les choses sont... Ce n'est pas la question qui sont... Les choses sont belles ou pas, mais ils ont la permission d'exister complètement. D'être accepté, d'exister complètement. Et ça les rend beaux. Wenders sur le paysage, qu'il s'agisse d'autoroute, de mer ou de forêt, est celui du peintre. L'utilisation de la couleur viendra plus tard, mais déjà, la découverte d'Ozu, le grand cinéaste japonais qu'il salue à Cannes cette année avec Tokyo Ga, est pour lui une révélation, clarté et magie de la construction. On peut aussi trouver dans son style une autre référence, plus secrète, Cézanne. C'est du moins l'avis de Joël Magny. Alors bien sûr, c'est là aussi, ce serait absolument absurde de faire de Wenders le Cézanne du cinéma. Il n'occupe absolument pas la même place, ils n'ont vraiment pas la même importance dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la peinture. La révolution de Cézanne a été opérée, disons, ce qu'on pourrait appeler l'équivalent, et encore avec beaucoup de guillemets, dans le cinéma, peut-être beaucoup plus avec quelqu'un comme Godard ou d'autres. Je crois que ce qui est intéressant, bon d'abord le rapport de Wenders à Cézanne, ce n'est pas du tout fortuit, c'est quand même assez évident, ne serait-ce que à la fin d'un de ses courts-métrages récents, qui date de 82, c'est la lettre d'un cinéaste qu'il avait fait pour l'émission de Michel Bouju et Anne Andreu, Cinéma Cinéma, la lettre d'un cinéaste qui s'intitule « Quand je m'éveille », et à la fin de cette lettre, Wenders cite cette phrase de Cézanne, « Tout est en train de disparaître, il faut se précipiter si on veut voir encore des choses ». Alors, Il est bien évident donc que cette référence à Cézanne n'est pas fortuite puisque Wenders la cite, mais elle vient aussi d'un autre biais qui est très important. Il ne faut pas oublier que Wenders est un grand ami d'adolescence et de vie étudiante du romancier allemand Peter Handke. Et Peter Handke a écrit, entre autres, un livre sur la montagne Sainte-Victoire, qui est un peu le récit d'une sorte de pèlerinage qu'il a fait lui-même sur les lieux où Cézanne a peint, sur les lieux qui ont été peints par Cézanne. Donc là aussi, le rapport n'est pas clientèle. Bon, ce qui me semble tout à fait intéressant dans ce rapport entre Wenders et Cézanne, c'est la volonté de l'un et de l'autre, au fond, d'essayer de saisir la vérité profonde des choses sans la culture qui est autour, quelqu'un qui soudainement se met à regarder le monde comme s'il ne l'avait jamais vu. L'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Joseph Block. Le personnage de l'angoisse du gardien de but au moment du penalty est, je crois, vraiment le modèle du personnage Wendersien qui, soudainement, au milieu d'une partie de football, sans qu'aucune explication de quelque ordre que ce soit donné, quitte le terrain, c'est-à-dire finalement se met un peu en dehors du jeu, et ça c'est assez métaphorique au fond de la façon dont Wenders envisage le cinéma par rapport au monde. C'est une façon un petit peu de se mettre en dehors du jeu, un peu sur la touche, pour regarder le monde comme un spectacle, mais pas seulement comme un spectacle, comme vraiment une chose tout à fait nouvelle, étrange, et de ce fait qu'il en découle aussi une sorte d'absence de logique et d'enchaînement entre les événements qui donne à chaque geste un côté gratuit. Il faut entendre surtout, je crois, gratuit, là aussi, comme quelque chose qu'on ne peut pas rattacher à, même presque à une signification, en tout cas à des mobiles, à des motifs, à des explications, qu'elles soient d'ordre psychologique, social, conscient, inconscient, etc. Alors l'errance, c'est un petit peu le développement au fond de cette notion de regard dans le temps et dans le mouvement, qui fait que Wenders a une relation à la peinture, mais qu'en même temps il est avant tout cinéaste, et que cette chose-là se développe dans le temps, dans la durée et dans le mouvement. Eh oui, me voilà. Ça fait bientôt 2 mois que je t'attends. Comment tu vas, maître Titien? Espèce de salaud, je m'appelle Pogash. Je suis parti quand de Hambourg? Ce matin. 1977, l'ami américain. Comment va ta femme? Quelle femme? Quand est-ce que tu repars? Je ne te trouve pas très sérieux. Ben, voilà quelque chose de sérieux. J'ai vendu un tableau et je suis prêt à en vendre un autre. Combien? Il y a $2000 pour toi. J'ai un bon œil, je te l'ai dit. Soigne-le bien. Ça coûte cher, un œil neuf. Et ça, je suis au courant. Tiens. Celui-là, j'en tirerai encore plus. Il m'en faudrait 2 comme ça dans 6 mois. En 6 mois, je peux en peindre au moins 5. Tâche d'en vendre 5, toi. 2. Un peintre mort ne doit pas trop peindre. Tu portes ce chapeau à Hambourg ? Pourquoi il n'y avait pas de cow-boy à Hambourg? 6 décembre 1976. Il n'y a rien à craindre, sinon la crainte elle-même. Je sais de moins en moins qui je suis. Avec l'ami américain, j'ai utilisé la couleur comme lorsque j'étais peintre, en pensant beaucoup à un modèle, le peintre américain Edward Hopper. J'étais aussi beaucoup influencé par Nicolas Ray, que j'ai connu à l'époque et dont j'ai revu plusieurs films avant de faire l'ami américain, surtout Johnny Guitar. Pour les couleurs, j'ai beaucoup parlé avec Robbie Muller, qui travaille avec moi depuis 7 ans. On s'est décidé pour un brun Rembrandt dans l'atelier. Mais la couleur la plus importante du film est le rouge. Pendant le tournage, on a pas mal manipulé les couleurs. Il y a souvent une lumière mixte, artificielle et naturelle, ce qui crée une atmosphère étrange. Tout le film est pour moi un regard en arrière, mais sans nostalgie sur le cinéma américain. Je ne crois pourtant pas avoir changé mon langage ni mon attitude envers le cinéma. 1977, l'ami américain, libre adaptation d'un roman de Patricia Highsmith, Ripley s'amuse, dont Wenders dira qu'il en avait réservé les droits avant même la parution du roman. Film en couleur avec une très belle lumière de Robbie Muller, le directeur de la photographie, un budget important, un air de thriller, l'histoire d'une amitié manquée sur fond d'escroquerie de tableaux et d'assassinats. Des noms prestigieux, Samuel Fuller et Nicolas Ray dans d'importants petits rôles, Dennis Hopper, Bruno Gantz et une femme. Lisa Kreutzer, déjà présente dans les premiers films de Wenders, est assez critique sur la place que le cinéaste laisse aux personnages féminins dans ses films. I mean, first of all, the answer to the Patricia Highsmith novel. The woman was very important because of the family life, because of the... Le rôle de la femme dans ce roman était très différent du film, beaucoup plus important à cause de sa vie de famille, à cause de la religion, un personnage beaucoup plus intéressant. Quand j'ai vu le premier montage de l'ami américain, la façon dont nous avions travaillé, j'ai dit ensuite à Wim, mais à quoi cela sert-il qu'il y ait une femme dans ce film? Elle aurait aussi bien pu être en vacances quelque part avec l'enfant au bord de la mer. En fait, elle n'est là que pour déranger les hommes. Elle est antipathique, elle ne sert à rien. Tu n'as qu'à laisser les hommes entre eux, dans leurs relations, qui sont bien plus riches, et tous, autant Bruno Gantz que Gérard Blin, que Samuel Fuller, que Nicolas Ray. I mean, I really liked the part in Alice dans les Villes was also the woman leading part. Let's say 5 shooting days and in the film in the end. J'ai bien aimé le rôle d'Alice dans les Villes et aussi dans Au fil du temps. Pour Au fil du temps, Wim me disait, je voudrais que tu sois dans ce film. C'est ainsi que j'y étais. Nous avons cherché longtemps la façon dont je pouvais y être et entrer. Ce n'était pas facile car il n'y avait pas vraiment au départ l'idée de mettre une femme dans ce film. Il y a 15 jours, il m'a dit « Maintenant, je ne veux plus raconter d'histoire d'homme, j'en ai assez, je vais faire mon premier film sur l'histoire d'une femme, sur la vie d'une femme. » Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, il m'a demandé pourquoi, et j'ai répondu « Alors c'est dommage, j'ai dû te rencontrer trop tôt. » J'espère qu'il est sincère, mais à vrai dire, je n'y crois pas trop. Ça va comme ça. Où est-ce qu'il nous emmène ? Je ne sais pas. La mer, je crois. Tu écoutes, t'arrêtes de garder ta ceinture. Reculez, reculez! ramènerai jamais les bites là en bout. Jonathan, tu ne veux pas que je conduise? Je peux arriver jusqu'en bout, jusqu'à Daniel. Dans rien d'un jour, tu dois tout lui expliquer. Jonathan. Au début de l'année 1980 commence l'aventure de Hammett. Francis Ford Coppola propose à Wim Wenders la réalisation à Los Angeles d'un ambitieux projet sur la vie de l'écrivain Dashiell Hammett. Un mode de production différent en tout point de ce qu'avait connu le cinéaste, deux tournages successifs avec pour le second un nouveau scénario, de nouveaux techniciens et de nouveaux acteurs. Ce second film est entièrement tourné en studio en quelques semaines, mais plus déconcertant encore, le metteur en scène, dans des installations ultra-modernes des studios Zoetrope, doit travailler sur des écrans de contrôle vidéo, sans contact direct avec ses acteurs et son chef opérateur. Sur l'épreuve Hammett, qui a duré 4 ans, Jean-Pierre de Villers, auteur de Berlin, Los Angeles, Berlin. Cette aventure est assez étonnante à deux niveaux différents. D'une part, parce qu'à l'époque, Wim Wenders, avant de rencontrer Francis Ford Coppola, était en repérage en Australie où il avait un projet d'un film de science-fiction. Et Coppola préparait Hammett. Et Coppola voulait un réalisateur européen. Et il avait pensé déjà également à François Truffaut. Et ensuite, il a pensé à Wim Wenders. Il l'a contacté aux États-Unis. Et Wenders, au départ, bon, il y a eu un peu, quand je l'ai rencontré, il m'en a parlé un peu. Il y avait une attitude, à la fois la fascination pour les États-Unis qu'on avait déjà vu dans L'ami américain. Et ensuite, un peu une angoisse par rapport aux cinéastes aussi des années 20, qui ont réussi à réaliser leur travail, mais en même temps, il y a une espèce de vampirisation pour les cinéastes européens quand ils vont aux États-Unis. Et Wenders a tout de même accepté en se disant c'est trop important pour moi cette possibilité d'aller travailler aux États-Unis, et il a accepté. Mais enfin, ce qu'il ne savait pas, c'est ce qui se passerait pour le tournage d'Hammett, parce que ça a quand même duré 4 années. C'est 4 années où Wenders, sans vraiment jamais l'avouer, a sans doute beaucoup souffert. Lui, le cinéaste indépendant qui contrôlait son temps de tournage, c'est qui travaillait avec des gens qu'il connaissait beaucoup, il y avait un esprit très très amical, très confidentiel dans ses tournages. Là, il s'est retrouvé dans des structures des studios américains, on lui a imposé les équipes techniques, on lui a imposé aussi les conditions de tournage assez difficiles. Mais bon, avec le recul maintenant, enfin surtout depuis que Hammett est passé à Cannes et où le public quand même a beaucoup aimé ce film, Wenders ne regrette pas du tout, je crois. Puis ça lui a permis en même temps aussi de retrouver peut-être le cinéaste qu'il aime le plus aux États-Unis, qui maintenant est mort, c'est Nicolas Ray. Et ça, c'est très important. Enfin, bon, ça fait partie aussi du personnage de Wim Wenders. C'est-à-dire que malgré les difficultés de tournage sur Hammett, ça lui a permis, au niveau des temps morts, de revoir Nicolas Ray, de tourner avec un film avec lui. Et au niveau des interruptions de tournage, il est un moment retourné en Europe. Il a pu tourner L'état des choses. L'état des choses a été à Venise. Donc tout s'est très bien passé quand même. Et je crois que cette aventure américaine a permis tout de même à Wim Wenders déjà d'être reconnu internationalement. Et ensuite, je crois que même Paris-Texas sans Hammett, ça aurait été complètement autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est un film important aujourd'hui dans la carrière de Wenders? Est-ce que c'est parmi ceux que l'on retiendra? Moi, je crois beaucoup dans deux directions différentes. Parce que d'une part, Wenders était quand même fasciné par certains cinéastes américains qui sont Hooks, Ford, Nicolas Ray, par une certaine atmosphère du cinéma américain également. L'ambiance des films noirs, l'ambiance aussi du noir et blanc américain également, la technique américaine, la possibilité aussi de réaliser des films avec des budgets importants, tout en étant complètement libre de l'adaptation et de la mise en scène. Et ça, Wim Wenders voulait aboutir à ce type de travail en Europe. Et il a eu beaucoup de mal. Enfin, l'ami américain était déjà une annonce de ce type de cinéma qui l'intéressait. Notamment avec des gens qui ont travaillé dans le film, comme Samuel Fuller, comme Dennis Hopper. Et je crois que si Wim Wenders a... Aujourd'hui, il ne parle plus du tout d'Ahmed. Quand on en parle, il prend vraiment un recul important. Mais je crois que ce film est très important dans sa carrière. Après Ahmed. Le polar, c'est le blues du cinéma. Le lieu où s'expriment les angoisses et les violences du monde moderne. Par opposition à toute une production hollywoodienne qui exalte la réussite et le bonheur. It's almost daylight, Mr. Spade. Can you start getting it now? I guess so. There you are. What is it? We'll make sure. It's lead. You. It's you who bungled it. You and your stupid attempt to buy it. Kemida found out how valuable it was. No wonder we had such an easy time stealing it. You imbecile. You bloated idiot. You stupid fathead. You. Hello, Sergeant Polhouse there? Yeah, put him on. This is Sam Spade. Hello, Tom. Now listen, I've got something for you. Here it is. Jacoby and Thursby were killed by a kid named Wilmer Cook. Yeah, he's about 20 years old, 5'6", wearing a gray overcoat. He's working for a man named Casper Gutman. You can't miss Gutman. He must weigh 300 pounds. That fellow Cairo's in with them, too. They've just left here for the Alexandria Hotel, but you'll have to move fast. They're blowing town. Now watch yourself when you go up against the kid. Yes, that's right, Barry. Now, good luck, Tom. Now, they'll talk when they're nailed about us. We're sitting on dynamite. We've only got minutes to get set for the police. Now, give me all of it fast. Miles hadn't many brains, but he'd had too many years' experience as a detective to be caught like that by a man he was shadowing up a blind alley with his gun in his hip and his overcoat buttoned. But he'd have gone up there with you, Angel. Lightning Over Water, ou Nick's Movie, film inclassable, est l'hommage d'un cinéaste européen au grand aîné américain. Nicolas Ray, l'auteur de Johnny Guitar, de La Fureur de Vivre, des Indomptables, de Traquenard, est un vieil homme malade, rongé par le cancer en 1980. Wenders lui apporte, avec une équipe et des moyens réduits, l'occasion de tourner à nouveau. Étrange et bouleversante entreprise qui s'achèvera par la mort de Ray. Bernard Eisenschitz, qui prépare une biographie du grand cinéaste. Bon, vous savez que ça commence avec l'histoire de l'ami américain, que Wenders avait besoin d'un personnage, d'une figure américaine dans son film, pour boucler son film dans les séquences new-yorkaises, et que par une suite de circonstances fortuites, Pierre Cottrel, qui était directeur de production du film à Paris et à New York, lui a fait rencontrer Nicolas Ray. Et que Ray s'est retrouvé jouer le rôle du peintre escroc dans l'ami américain. Rôle qui correspondait très bien au personnage que Ray se voyait jouer, c'est-à-dire peintre le créateur et escroc, le créateur est aussi un menteur. Et Ray a beaucoup développé ce personnage, il a créé le personnage avec Wenders au cours de ce tournage qui a été très très rapide, et c'est de là que sont nés leurs rapports. Au départ, Ray avait écrit un premier scénario qui était l'histoire d'un peintre. L'histoire est racontée d'ailleurs dans Lightning Over Water. L'histoire d'un peintre qui essaye de récupérer ses toiles pour les refaire ou pour en faire des copies et revendre les copies. Il veut faire de l'argent avec ses toiles pour s'acheter une jonque et partir sur sa jonque vers la Chine où on a trouvé un remède miracle pour le cancer. Ça très très vite pour des raisons de force physique. De Ray, c'était impossible de tourner ça. Pour des raisons de moyens matériels, c'était aussi impossible de tourner. Ça aurait coûté trop cher. Et très vite, et en plus de l'envie de Wenders, c'était une envie de réflexion sur le cinéma. De réflexion sur le cinéma de Ray. Donc très vite est venue l'idée, pourquoi faire quelque chose sur un peintre alors qu'il s'agit tellement clairement de toi et du cinéma. Autrement dit, le faussaire deviendrait le faussaire cinéaste et non plus peintre. Voilà, alors à un moment, pendant très peu de temps, est arrivée l'idée de faire l'histoire d'un réalisateur qui récupérait ses négatifs au laboratoire. Ça a été abandonné évidemment très très vite pour arriver à cette histoire à l'histoire du film. Et puis la scène de l'agent, qu'on va peut-être le rappeler pour ceux qui n'ont plus le film en mémoire, a été reprise mais à la fin du film, et c'est l'équipe en fait tournage avec Wenders qui se retrouve sur cette jonque très symbolique. Donc voilà, l'agent qui est devenu une espèce d'hommage avec une caméra, une urne. Tournée après la mort de Nicolas Rey. C'est ça, tournée un mois après. Une scène qui n'a pas toujours été bien comprise. Est-ce que vous acceptez qu'on ait trouvé cette scène parfois peut-être un peu indécente, car l'équipe en plus festoie un peu sur cette jonque en souvenir de Rey? Oui, mais vous savez, tout le film est indécent. Le geste du film est indécent. Tous les amis de Rey et tous les gens qui ont connu Rey, et même tous les gens qui ont assisté au tournage, dont moi, considèrent que le film ment d'une manière ou d'une autre. Chacun à sa manière. Faire le film, c'était indécent. Et c'est là-dessus que Wenders est allé loin. Je pense que c'est ça qu'on peut dire sur Wenders, plutôt que de parler de cette espèce de nouvelle grande forme classique qu'il retrouve dans Paris, Texas, à laquelle je suis très sensible. Mais ce qui me paraît intéressant dans Lightning Over Water, qui est un film que je n'aime pas vraiment, mais ce qui me paraît intéressant en tout cas, c'est qu'il y a eu, et que c'est peut-être la première fois que Wenders a pris ce type de risque que depuis il a un peu systématisé dans ses films, qui était de tourner ce qu'il ne fallait pas tourner, finir ce qu'il ne fallait pas finir et montrer ce qu'il ne fallait pas montrer. Play it again, Johnny Guitar. Nick voulait absolument travailler, se manifester encore une fois dans un film. Alors on a décidé de faire un film ensemble, écrit ensemble, qui sera un film de nous, de lui sur moi et de moi sur lui. Et c'est ce film-là qui finit avec sa mort. Nick a perdu sa force physique très vite. Et on n'a pas pu faire tourner des choses qu'on a voulu tourner. Et le film est devenu très vite et de plus en plus un film de moi sur lui. Parce que lui, il n'avait plus la force physique de travailler comme metteur en scène et acteur. C'était très très pénible, assez souvent impossible. Mais quand même, la nécessité de faire le film et l'importance de ne pas l'abandonner était toujours plus forte que de ne pas le faire. C'était plus que bouleversant. Le tournage aussi bien que monter le film. J'ai plus ou moins laissé le montage à mon ami Peter. Il a plus ou moins dû finir le film lui-même parce que je me sentais incapable de monter le film. Parce qu'il s'agissait de Nick et j'ai pas pu le voir tous les jours devant moi sur ce petit écran. Et parce que je suis dans le film moi-même comme acteur et je ne croyais pas que j'avais l'objectivité de vraiment voir le film seulement comme matériel. Et alors j'ai laissé le montage à mon ami. C'était Wim Wenders au printemps 1980 au Festival de Cannes où il avait présenté donc cette première version de Nick's Movie. Mais de fait, Wenders a ensuite retiré cette version montée par Peter Psigoda, son monteur habituel, et a entrepris lui-même un nouveau montage, la version définitive, celle que nous voyons maintenant, qui est de 91 minutes, plus courte, avec un commentaire à la première personne, plus près aussi, plus entraîné du côté de la fiction. Bernard Eisenschitz. Donc il y a eu cette deuxième indécence qui était de terminer le film et d'oser manipuler l'image du mort. Et puis il y a eu la troisième indécence qui était de montrer le film, de passer à l'épreuve publique. Et ça là-dessus, je crois que c'est quelque chose qui est exceptionnel pour un cinéaste, parce qu'on a déjà filmé des gens qui mourraient, qui était exceptionnel et qui a été un moment important, un déclic important dans le travail de Wenders. Quels sont les points communs entre le travail de Wenders et celui de Rey? Ray était un cinéaste qu'on pourrait appeler un cinéaste de la première génération, bien qu'il ne soit pas du tout, un cinéaste ni du muet, ni de quoi que ce soit. Ray était un cinéaste pour qui le cinéma est né comme une forme originale. D'ailleurs, c'est quelqu'un, vous savez, ce qu'on disait, les ennemis du cinéma disaient autrefois, le cinéma c'est le refuge de ceux qui ont raté partout ailleurs. Mais c'était assez vrai. Et ni Griffiths ni Ray n'auraient pu être un grand écrivain, n'auraient pu être un grand homme de théâtre, etc. Ce sont devenus des grands cinéastes parce qu'ils ont pris leurs matériaux directement. Wenders est quelqu'un pour qui, avant tout, il existe une réalité dont la réalité cinématographique et son passé, sa mémoire cinématographique font partie. Et Lightning Over Water, comme Tokyo Ga, comme L'état des choses, enfin comme tous ces films qu'il a fait sur le cinéma, comme Hammett aussi, par rapport au film noir classique américain, témoignent de ça. Ray représentait un petit peu, pour Wenders, le rêve hollywoodien. Le rêve d'un cinéma classique hollywoodien qu'il cherche à atteindre sans jamais y arriver, puisque lui, précisément, son cinéma intègre le cinéma passé. Ray, au contraire, n'a pas cessé pendant toute sa carrière de s'éloigner du cinéma hollywoodien, de le saper de l'intérieur, de faire des films qui, par défaut ou par incapacité de compromis ou simplement par sa propre folie, s'éloignaient de plus en plus du cinéma hollywoodien, s'éloignaient du récit net, classique, propre, pour arriver à la fin, à la folie complète de ce film d'étudiant, We Can't Go Home Again. Il y a eu ce croisement qui a beaucoup troublé Wim pendant le tournage de Lightning Over Water. Il y a un moment où, un soir, on a vu Lightning Over Water, et il m'a dit, c'est pas possible, moi j'essaye, mon rêve c'est d'arriver à faire le cinéma de Johnny Guitar, et lui, il est parti complètement dans l'autre sens, il fait tout à fait autre chose, je sais plus de quoi on peut parler, on n'est plus... Ils se sont croisés en effet là-dessus. En même temps, il y a certains points communs dans le travail qui sont un peu ce qui a amené la cristallisation du tournage de Lightning Over Water, sans quoi ça n'aurait pas pu se passer. Par exemple, Ray n'a jamais travaillé avec des scénarios. Tout en travaillant dans le système hollywoodien, il avait cette obligation intérieure de travailler en détruisant le scénario, en faisant saboter son scénario, en prenant un scénario et puis en mettant quelqu'un d'autre sur le coup et en faisant apporter des choses de l'extérieur. Il n'avait pas la capacité professionnelle, peut-être même, de travailler avec un blueprint du film déjà prêt. Et là, évidemment, c'est très proche de ce qui est le cas de Wenders, qui a commencé par des films à structure littéraire assez solide, voire même à structure verbale assez solide, comme les films avec des scénarios ou d'après Handke, et qui de plus en plus, d'abord a alterné, et de plus en plus a besoin d'avoir un principe de tournage qui mène le film, plutôt qu'un scénario écrit. Le langage que j'utilise sans m'en rendre compte, c'est celui de Ford et de Hawks, il y a plus de 40 ans. Leur façon de se servir de la lumière, du cadrage ou du montage. En revanche, la structure de mon récit est différente. Pour moi, une histoire, c'est abstrait. Il y a toujours décalage entre le scénario préétabli et les personnages. Il y a de moins en moins d'images qui n'essaient pas de vendre quelque chose. C'est devenu très rare, même au cinéma, où les gens ont tellement accepté qu'une image veuille quelque chose qu'ils ont perdu la capacité de la regarder pour elle-même. Joël Magny. Il y a une multiplication des images à l'intérieur même des films de Wenders, qui est bien entendu liée à cette notion de modernité où on travaille sur des images préexistantes. C'est pour ça qu'on retrouve toutes les images de Polaroid, ou bien le photomaton, c'est-à-dire des instruments qui produisent des images immédiates où pratiquement l'image devrait au fond correspondre parfaitement à la réalité et où on remarque, et je crois que le personnage d'Alice dans les villes à un certain moment remarque que au fond l'image n'est jamais exactement ce qu'on voit dans la réalité, et toute une partie du film Alice dans les villes consiste à essayer de retrouver à partir d'une image de maison, la maison de la grand-mère, de la petite fille, et qu'on retrouve peut-être une maison, on ne saura jamais très bien si c'est exactement celle-là ou pas. Il y a un peu la même idée lorsque, dans Paris, Texas, le personnage aussi se promène avec la photo de Paris au Texas, qui est l'endroit où ses parents sont censés l'avoir conçue. Alors donc, il y a cette photo instantanée, et puis il y a aussi la présence de la vidéo dans plusieurs films, et puis surtout la télévision. Alors je crois que la télévision, là, c'est un phénomène un petit peu encore différent. Bon, on trouve un certain nombre de téléviseurs qui souvent sont allumés ou ne diffusent rien, ou lorsqu'ils diffusent quelque chose, le diffusent en son, et de toute façon, personne ne regarde. Et puis, il y a une scène qui, je crois, est la plus significative, c'est celle du meurtre d'un des personnages dans L'Ami américain, qui se situe... dans une gare, et où ce meurtre est retransmis par des dizaines d'écrans de télévision, des écrans de contrôle tels qu'on en connaît un peu partout, que ce soit dans le métro, dans les gares, ou dans tout endroit où existe une certaine surveillance. Et là, il y a une idée que je crois tout à fait passionnante, c'est au fond l'idée que le cinéma, au fond, pour Wenders, c'est retrouver la fonction essentielle et primordiale du cinéma, c'est une machine à regarder le monde. Et il y a une sorte de volonté, au fond, de tout cinéaste, d'essayer de cerner le monde dans sa totalité. Et au fond, quoi de plus significatif que ces machines qui passent leur temps à filmer dans tous les endroits, dans toutes les directions possibles, et retransmettre ces images immédiatement au moment même de leur production. C'est un peu l'idée totalement démiurgique de quelqu'un qui s'empare de la totalité du monde par le regard. Et là, on s'aperçoit en même temps que ce point limite du cinéma est vraiment un point limite, car supposons que l'on arrive effectivement au moment où on pourra enregistrer la totalité de ce qu'il se passe sur le monde dans la totalité de sa durée, il est évident qu'à ce moment-là, il n'y aura même plus personne pour pouvoir regarder cette totalité. Donc on aboutit là à une impasse absolument fantastique qui est, au fond, l'une des préoccupations de Wenders, qui est une des préoccupations aussi de tout le cinéma moderne. Et là, Wenders est tout à fait passionnant dans la mesure où, partant de cette accumulation des images, de ce dédoublement, il cherche au fond ce qui est la fonction du cinéma, de revenir vers une sorte de pureté, débarrassée de toutes les choses qui se sont accumulées, de tous les écrans qui se sont interposés jusque-là entre le cinéaste et n'importe quel individu et le monde. À la fin de l'année 80, Wim Wenders, désœuvré et désorienté après l'interruption du premier tournage de Hamet, se trouve au Portugal. Et là, en quelques jours, naît l'idée d'un autre film, un film pirate, poussé comme le chien d'an entre les interstices de Hamet, dira Michel Bouju. L'équipe et les comédiens sont déjà sur place, ce sont presque tous ceux qui travaillaient au territoire de Raoul Ruiz, film qui s'achève et dont Wenders garde aussi le surprenant décor, le Grand Hôtel de Sintra. Tournage débute en janvier 1981, il durera 5 semaines, Wenders est de nouveau en situation de totale improvisation, mais cette fois à son travail s'est joint le doute. Ce sont autant de questions au cinéma. Le film remportera pourtant le Lion d'Or à Venise. C'est un film sur mon métier. Et c'est mon 10e film et j'ai voulu le faire comme une sorte de, oui, comme une sorte de recherche sur ma propre profession. Et alors il est bien sûr basé sur pas mal d'expériences et sur tout ce que je sais sur ma profession, sur pas sur l'art de faire du cinéma, mais sur mon propre cinéma. Aussi, c'est une sorte de recherche sur les gens du cinéma, qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a plus de film, quand il n'y a plus de cinéma, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe avec ces gens le moment où leur film ne continue pas. Et bien sûr, aussi, c'est un film. Le sujet du film, c'est un peu aussi un peu abstrait. De l'autre côté, c'est la différence entre les notions européennes et américaines sur le cinéma, l'art et l'industrie. Et aussi, c'est une recherche sur la notion de l'histoire. Il y a une notion d'histoire dans mes films, dans mes anciens films, où l'histoire, c'était quelque chose qui... C'était le résultat de beaucoup petites situations. Peut-être ça donnait une histoire, peut-être pas. Pendant que là, aux États-Unis, il y a d'abord l'histoire et puis il y a les caractères. Mais d'abord, il y a l'histoire. C'est l'histoire qui règne le film. Et c'est, ça, c'est vraiment un conflit assez grand entre ces deux notions-là. Qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire ? C'est aussi le sujet de ce film, l'état des choses. Des questions que se posaient aussi certainement les acteurs et les techniciens de ce film totalement impliqués dans l'aventure de l'état des choses. Témoin Jean-Paul Mugel, membre de l'équipe son sur l'état des choses et plus tard ingénieur du son dans Paris, Texas. Il n'y avait pas de scénario au départ. Le scénario était écrit au jour le jour en fonction des scènes tournées. Il y avait Robert Kramer qui était là et qui écrivait. En fonction de ce qu'on avait tourné la veille, ils faisaient évoluer les personnages. Alors, ils avaient des réunions de travail avec Wim et comme ça, on ne savait pas du tout où on allait. Donc je crois que c'est quelque chose qui a pas mal uni tous les gens du tournage. On était tous un petit peu dans le même bateau. En plus, on avait un décor extraordinaire dans cet hôtel, sur cette piscine détruite. Et je crois que c'est pour ça que tout le monde est resté très uni. C'est vraiment pas une atmosphère qu'on trouve non, sur beaucoup de tournages. Bon, on vivait très très très fermé, tous ensemble. On avait des cuisiniers qui nous faisaient la cuisine sur place. On habitait tous au même endroit et on travaillait tellement d'heures qu'on n'avait vraiment pas le temps de s'évader du tournage. Parce que là, les plus longues journées de tournage de toute ma vie, je les ai passées sur ce film-là. Je crois qu'on avait même dépassé les 24 heures. Donc une atmosphère très proche en fait de celle qui était dans le film, c'est-à-dire de ce que vous tourniez en même temps. Oui, ça c'est tout à fait vrai, surtout qu'il y avait d'énormes problèmes d'argent, vu que le producteur Chris Evernick sillonnait l'Europe entière pour essayer de trouver de l'argent. Il vendait le film qu'on était en train de tourner et il revenait apporter un petit peu d'argent et des bandes magnétiques, des bandes de film, la déformation. Bon, ces bandes défilaient à toute vitesse parce que Wim tourne énormément. Bon, on avait des chargeurs de 300 mètres qui font donc 10 minutes de film et il en passait, je sais pas, des dizaines par jour, ce qu'on voit rarement. Est-ce qu'il était tendu et inquiet du fait de ces difficultés de tournage, notamment au point de vue financier ? C'est quelqu'un d'assez secret, c'est quelqu'un qui est très timide et avec qui on a plus de contacts sur le plan de l'humour. C'est quelqu'un avec qui on blague facilement, mais qui ne parle pas de problèmes de fond. Youssef Ishakpour. Dans l'état de choses, très nettement, Wenders pose un dilemme. Soit on s'intègre aux médias, soit on se suicide. D'ailleurs, ce n'est pas simplement l'idée de Wenders, c'est le dilemme que les masses médias pose à tout un chacun aujourd'hui, et c'est définitif. C'est-à-dire que soit on participe, soit on est éliminé, et on est condamné au suicide. Et ce n'est pas simplement dans l'état de choses que Wenders dit cela, c'était très nettement dit dans un autre film qu'il a fait pendant un mètre, c'est-à-dire c'est dans Nick's Movie. En fait, ce qu'on voyait dans Nick's Movie, c'était la mort de l'auteur, la mort du cinéaste. Et d'ailleurs, dans le film de Nicholas Ray lui-même, We Can't Come Home Again, on assistait à une sorte de pendaison, de suicide de l'auteur dans son film. Donc, si on prend déjà cet exemple, on voit très bien que Wenders, c'est quelqu'un qui est extrêmement conscient de ce problème qui se pose face aux masses médias. Après l'état des choses. Je me sens capable d'utiliser les moyens de cinéma sans avoir besoin, comme je l'ai fait depuis 4 ou 5 films, de refléter ces moyens. J'ai très envie de faire des films qui traitent vraiment d'un sujet tiré de la vie des gens, sans regarder en arrière, sans rien expliquer. Expliquer le cinéma en train de se faire, c'est fini pour moi. Je me sens assez soulagé. Thank you. Désert, extérieur jour. Le point de vue d'un oiseau. Un paysage raviné et vide, comme le sol de la lune. La caméra glisse sur ce paysage. Au loin apparaît un homme seul qui traverse ce désert. Un faucon se pose sur un rocher. L'homme s'arrête, il regarde l'oiseau. Puis il boit l'eau qui reste au fond d'une grande bouteille en plastique. Il porte un costume mexicain bon marché, une casquette rouge de baseball, des sandales entourées de charpie. Le tout marqué de sueur et de poussière. Il marche depuis longtemps déjà. C'est Travis. En 1984, Paris, Texas, le plus célèbre des films de Wim Wenders, un grand succès public, Palme d'Or, au Festival de Cannes. Le résumé livré par le bureau de presse du festival indiquait ceci. Un homme qu'on croyait mort revient parmi les vivants, il redécouvre son fils et ensemble, ils partent à la recherche de la mère de l'enfant. Saisissant raccourci pour un film dont la lenteur et la distance prise avec les personnages font tout l'étrange charme. Tournée dans le sud-ouest torride des États-Unis, c'est une coproduction franco-allemande avec Claire Denis, première assistante, les repérages et la préparation. Wim n'est pas parti à travers tous ces états du sud à la découverte de paysages qui allaient modifier le scénario. Son travail avec Shepard était déjà très très avancé. Il y avait donc un scénario complet d'écrit auquel Wim tenait beaucoup. Peut-être c'était un petit peu nouveau par rapport à d'autres films qu'il avait fait avant, où le scénario était pour lui au départ déjà quelque chose d'assez flou. Alors que là, au contraire, c'était très très précis. Et il a plutôt été à la découverte de ce qui était écrit. Le repérage n'a pas été matière au scénario, hein. Il savait qu'il était obligatoire, par rapport à ce qu'il est lui comme metteur en scène, de tourner dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que cet itinéraire de repérage devait représenter au plus près possible le vrai itinéraire de Travis. En sachant bien sûr, parce qu'on était quand même des cinéastes, et qu'il est quand même un metteur en scène conscient, qu'il fallait tenir compte de certaines impossibilités techniques. Et c'est un repéreur assez extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est loin d'être un hasard si les décors... Enfin, je veux dire, on a pas suivi une carte, il a beaucoup, beaucoup erré. Mais toujours dans la logique de l'itinéraire de Travis. Texas, film séduisant et aussi par sa musique de Ray Cooder que l'on entend maintenant, a aussi quelques fidèles de Wenders déçus. Témoin Youssef Ishakpour. Paris, Texas, disons, est une sorte de récupération par Wenders lui-même et par le mass media du cinéma de Wenders. C'est-à-dire c'était un cinéma qui s'inscrivait contre justement le fonctionnement des mass médias. Bon, un auteur a tout le droit de changer, c'est même la spécificité d'un auteur. Simplement, ce qui se passe avec Wenders, c'est que en quelque sorte, il a réutilisé ses premières œuvres une sorte de magasin d'accessoires dans lequel il a puisé avec le scénariste. Et ils ont écrit un scénario sur mesure en partant d'Alice dans les villes, de Au fil du temps, de L'ami américain, en fabriquant en quelque sorte une anthologie de Wenders, mais justement en les réintégrant dans les techniques des médias. Ce qui donne, par exemple, si je prends une simple comparaison avec Au fil du temps. Au fil du temps, c'est un film où les personnages, si on peut parler encore de personnages, sont vraiment très ambigus, où il n'y a pas de trame, il n'y a pas de drame. Et c'est l'indéterminé, l'indécision, c'est l'ouverture à l'extérieur. S'il y a quelque chose de désertique dans le film, on n'a jamais affaire à un désert. Tandis que pour faire Paris d'Exax, il a fallu commencer par montrer un désert. C'est-à-dire tout ce qui était implicite est sorti des autres films pour devenir en quelque sorte un cliché. Ce n'est pas le sentiment d'étrangeté par rapport au monde, c'est tout simplement une sorte d'éthéré vivant, de zombie qui marche dans un désert. Et donc c'est à partir de là, même les premières images renvoient aux images de western, mais simplement il s'est passé ceci, c'est-à-dire qu'entre le western et Paris, Texas, qui se voudrait quelque chose comme un western moderne, il y a tout ce cinéma moderne qui s'introduit. L'effet est un effet, disons, de refroidissement. Fondu au noir, mutard. Hunter s'est endormi sur son mur. Le bruit d'un hélicoptère le réveille. Encore endormi, il lève les yeux. Le soleil l'aveugle. Il détourne le regard. Tout à côté de lui, une voiture rouge est juste en train de s'arrêter. Au volant, une jeune femme blonde. On ne reconnaît pas son visage. Elle ne reste arrêtée qu'un bref instant, puis elle roule lentement vers la sortie. Hunter la suit des yeux, comme fasciné. Il se lève lentement. Il n'a pas vraiment pu voir Jane, mais il sait que c'était elle. Déjà, la voiture s'engage dans la rue. Hunter parle frénétiquement dans son talkie-walkie. Tous les instruments qui ont créé l'égarement dans les autres films de Wenders, c'était tous les instruments techniques, qu'il s'agisse d'appareils de prise de vue, d'appareils de prise de son, de téléphone, de tout ce qu'on appelle les nouveaux moyens de communication qui, en fait, ne permettent pas la communication. C'était par ces moyens-là qu'il y avait rupture entre les personnages et le monde. Tandis que là, justement, c'est là où je pense qu'il y a le subterfuge, c'est que ces moyens-là deviennent moyens de communication. On a beaucoup réfléchi sur le cinéma et plus ou moins, il y a cette idée partagée par tout le monde que dans le cinéma classique, l'écran fonctionne en quelque sorte comme un miroir par rapport au spectateur, un miroir qui serait le lieu du désir de la mère dans les deux sens du mot, et en même temps une sorte de lieu de projection de l'image du moi idéal du spectateur. Alors ce qui se passe, c'est justement tout le film de Wenders, c'est un dispositif qui se termine devant ce miroir, simplement qui n'est plus le miroir du cinéma classique, qui n'est pas un miroir de lieu d'illusion, c'est une glace sans teint. Donc il me semble qu'il y a en quelque sorte toute l'intégration de tout ce que la modernité avait mis au jour pour faire fonctionner le cinéma classique, c'est-à-dire en utilisant, en intégrant toute la période moderne. C'est ce qu'on appelle peut-être la postmodernité. Le point de vue de Joël Magny. Tout cela me semble parfaitement découlé de tous les films précédents de Wenders et non pas manifester une sorte de renversement ou de retour en arrière. Dans le sens où on a vu tout à l'heure qu'à partir de ses premiers films qui étaient vraiment totalement de recherche, on pourrait dire pratiquement abstraite, petit à petit découlé de ce regard, de la nécessité pour ce regard de se situer dans le temps, dans la durée, donc petit à petit de développer une fiction, de faire supporter ce regard par un personnage. Et Wenders, au fond, n'a fait que développer cela, et la fiction chez lui, l'histoire, le récit, tous ces éléments, au fond, tout à fait classiques, sont directement issus de cette modernité. Au fond, ce qui est assez curieux chez Wenders, c'est que lui retrouve le classicisme en allant au bout de la modernité. Et Wenders, à mon avis, retrouve, au fond, les éléments classiques à partir de l'innocence du cinéaste moderne, celui qui voudrait simplement regarder le monde, qui pendant très longtemps fait avec ce qu'il a, fait avec sa culture, mais justement en allant au bout de cette culture, arrive petit à petit à s'en débarrasser, et il peut, avec Paris, Texas, peut-être devenir le cinéaste, peut-être enfin à la fois américain et européen, puisqu'on pourrait dire qu'il y avait toujours ce côté européen intellectuel chez lui, et puis en même temps ce côté, cette envie du côté naïf, entre guillemets, faussement naïf du cinéma américain, et là il arrive enfin à faire la synthèse entre les deux. Je ne peux pas filmer avec des objectifs qui ne respectent pas la vision humaine, comme les téléobjectifs. Tout le film a été fait avec un 25 mm, sauf lorsque Travis regarde avec des jumelles. Cela impliquait nécessairement des plans assez grands, car même si on se rapproche le plus possible d'un personnage, on ne peut pas atteindre le gros plan. Ce n'est pas seulement du respect envers les choses, c'est aussi du respect envers l'œil qui regarde les choses. Je ne supporte pas un film tourné avec des effets de zoom, parce que c'est un mouvement que l'œil ne sait pas faire. Je n'ai plus alors le sentiment que le film est fait par et pour des humains. Robbie Muller, qui n'avait pas travaillé avec Wim Wenders depuis L'Ami américain, est directeur de la photographie dans Paris, Texas. Il y a dans ce film un son extrême apporté au décor, au découpage de l'espace, à l'utilisation de la couleur. Des couleurs nouvelles, des couleurs très fortes après le noir et blanc de l'état des choses. Jean-Paul Mugel, l'ingénieur du son, qui a de son côté réussi quelques exploits en enregistrant en son direct dans d'assez bruyants décors, a parfois souffert de ce soin apporté à la lumière. Ouais, ça c'est assez vrai, oui, mais bon, il faut dire aussi que tout le film s'est fait dans des moments de lumière, des lumières privilégiées, qui sont le lever et coucher de soleil. Il y a vraiment 15 minutes pendant lesquelles il faut absolument tourner la scène. Donc on arrivait là-bas avec des acteurs qui sont très professionnels, ces acteurs américains sont extrêmement professionnels, bon, ils ne se trompent quasiment jamais dans le texte, et Wim s'occupait beaucoup plus de savoir ce qu'il y avait comme lumière derrière, s'il y avait le bon camion qui passait, que de savoir comment était jouée la scène à ce moment-là. Est-ce que la fameuse scène du Peep Show était difficile à faire pour vous au niveau du son ? Non, là c'était plus un problème... d'organisation, c'est-à-dire que j'ai dû installer un système qui permette aux deux comédiens de jouer un petit peu dans la situation dans laquelle ils auraient dû se trouver, parce que ce Peep Show avait été complètement organisé par nous, c'est un décor, donc j'avais organisé un système pour que la voix de Nastassia Kinski passe par le téléphone et soit entendue au téléphone par Harry Dean, et que la voix d'Harry Dean arrive dans un petit haut-parleur dans la cabine. Donc ça, c'était plus un truc d'organisation. Et puis après, moi, j'enregistrais les deux voix des comédiens sur des pistes séparées pour pouvoir après les filtrer séparément au mixage. Cabine Coffee Shop. Intérieur soir. Travis se trouve à nouveau assis dans une des cabines du Peep Show, devant le miroir, qui se transforme en vitre au moment où Jane entre et allume la lumière. Cette pièce est décorée comme un café à l'américaine. Aujourd'hui, Jane porte une courte robe noire. Elle semble d'aussi bonne humeur que la veille. Il se peut que Jane reconnaisse la voix du visiteur de la veille, mais elle n'en laisse rien voir. Travis prend sa chaise et se retourne, s'asseyant le dos à la vitre. Jane ne sait pas cela. Maintenant, ils ne peuvent plus se voir ni l'un ni l'autre. I knew these people. These two people. They were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. And he was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful, you know? And together they turned everything into a kind of an adventure. And she liked that. Just an ordinary trip down to the grocery store was full of adventure. They were always laughing at stupid things. He liked to make her laugh. And they didn't much care for anything else because all they wanted to do was be with each other. They were always together. And he loved her more than he ever felt possible. He couldn't stand being away from her during the day when he went to work. So he'd quit. Just to be home with her. And then he'd get another job when the money ran out. And then he'd quit again. But pretty soon she started to worry. About what? Money, I guess. Not having enough. Hmm? Not knowing when the next check was coming in. Yeah, I know that feeling. So he started to get kind of torn inside. Claire Denis. Un jour, Wim m'avait dit, on va être comme un... faut qu'on parte comme une troupe itinérante, comme une troupe de théâtre ou comme un groupe de musiciens qui partent faire des petites tournées. Il faut partir dans cet esprit-là et tout le reste va se résoudre. Et il a vraiment cette dimension. Peut-être, je ne sais pas, j'imagine Molière sur les petites routes. Il est vraiment ce chef d'équipe, cette âme du travail. Son charisme vient aussi du fait qu'il a, je crois, une présence physique. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup physiquement dans son travail. Il est présent partout. Et bizarrement, quand on est conscient même des impasses dans lesquelles peut se trouver un metteur en scène à un certain moment, des impasses terribles, des impasses artistiques, de choix artistiques, mais aussi des impasses financières, il se passe quelque chose qui est un autre mode de collaboration et qui fait qu'il y a quelque chose d'assez passionnel qui se tisse entre les gens. Et ça, Wim est quelqu'un qui le crée d'une façon formidable, comme on peut voir en chimie dans un tube de verre, une réaction chimique, on a l'impression qu'on assiste à cette réaction chimique de sa création. Et c'est vrai que ça crée des rapports très, très amoureux, en fait, parce que on a l'impression qu'on participe à quelque chose qui est toujours un petit peu interdit aux techniciens en général. Ou le cinéma dans tous ses états, une émission proposée par Dominique Rousset. Avec Youssef Ishakpour, critique et essayiste, Joël Magny, rédacteur en chef à la revue Cinéma, Bernard Eisenschitz, Claire Denis, Jean-Paul Mugel, Lisa Kreutzer, Jean-Michel Follon, Jean-Pierre De Villers, auteur de Wim Wenders, Berlin, Los Angeles, Berlin, aux éditions Samuel Tasté, Archives Institut National de l'Audiovisuel, et un grand merci à Michel Bouju, auteur de Wim Wenders, aux éditions Edilig. De son Noélie Louis-Marie, c'était une réalisation de Mireille Cross.